الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح، بالإخلاص والصدق في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Nous sommes le 16 du mois de Rabi'in al-Awwal de l'an 1436, ce qui correspond au mercredi 7 janvier de l'année 2015. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. Donc le chapitre numéro 66, qui est donc le dernier chapitre du livre de l'auteur Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, de son livre Kitab al-Tawhid. À propos de la parole d'Allah, la traduction: ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre tout entière une poignée. Il manque un mot dans la traduction, vous l'ajoutez. أي ما جاء في معنى الآية الكريمة من الأحاديث والآثار. كلوتر رحمه الله تعالى intitulé ainsi le dernier chapitre de son livre. Il nous cite ce verset, puis il citera des hadiths et des paroles de nos pieux prédécesseurs qui explicitent et expliquent ce noble verset coranique. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. أراد المصنف رحمه الله رحمة واسعة أن يختم كتابه بهذا الباب المشتمل على النصوص الدالة على عظمة الله وخضوع المخلوقات له، مما يدل على أنه المستحق للعبادة وحده دون من سواه. لوتر رحمه الله تعالى a mis ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid et a conclu son livre avec ce chapitre, car il renferme des versets, ou plutôt un verset et des textes, tous nous montrant l'immensité d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa grandeur et sa domination totale sur l'ensemble des créatures, et que tout autre que lui est insignifiant devant sa grandeur et sa puissance subhanahu wa ta'ala. On verra également dans ces textes que les créatures sont insignifiantes devant la grandeur du Seigneur des mondes tabaraka wa ta'ala, et que toutes s'humilient et se rabaissent devant ce Seigneur immense, omnipotent, Jalla wa Ala. Tout cela nous amène à la conclusion qu'est la sagesse de l'écriture de ce livre. Cette conclusion est que c'est donc le seul, l'unique à mériter l'ensemble des adorations, le seul qui doit être adoré, subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur, ou plutôt Allah tabaraka wa ta'ala, a accordé la réussite à l'auteur dans cet écrit, dans son livre, qu'il a soigneusement agencé. فإن القارئ والدارس لهذا الكتاب الطيب إذا وصل إلى هذا الباب قد تعلم، يكون قد تعلم شيئا عظيما من حق الله تبارك وتعالى عليه، ووجوب الإذعان له وتحقيق العبودية له. فكان هذا الباب الخاتمة أو ختما لما سبق وتأكيدا له. فلا بد أن من تعلم التوحيد وفهمه وعمل به أن يكون مستحضرا هذا الأمر، أن الله تبارك وتعالى له العظمة المطلقة والكبرياء، وهو ذو سلطان تبارك وتعالى، ذو الجلال والإكرام، وله النعوت العظيمة الجليلة، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. Aussi, la personne qui arrive à ce chapitre, le chapitre numéro 66, c'est qu'elle a étudié ce livre, ou elle a lu ce livre. Et celui qui a lu ce livre, ou plutôt qui a étudié ce livre, celui à qui Allah Azza wa Jal a comblé, a honoré, en lui permettant d'étudier ce livre, il connaît désormais le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses serviteurs. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter entièrement l'adoration. Il sait qu'il doit renier le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Aussi, avec ce chapitre, l'auteur signale à cette personne qui désormais connaît al-tawhid en détail et connaît le shirk duquel il doit se préserver en détail, l'auteur lui rappelle une chose très importante. Ô toi le monothéiste qui fait son chemin fi dunya, puis qui va revenir dans l'au-delà vers Allah Azza wa Jal pour la rétribution, puis la finalité, sache que tu dois adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec al-tawhid, tout en ayant toujours présent dans ton cœur son immensité. Tout en ayant toujours présent dans ton cœur que celui que tu adores, c'est l'immense, par excellence. C'est Al-Azim, Tabaraka wa Ta'ala. Donc, tu ne devras jamais vouer le culte à autre que lui. Rappelle-toi toujours qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a les attributs les plus immenses. Et que c'est celui devant lequel on se rabaisse tous, on s'humilie tous, on se soumet tous, de par les grands attributs qu'il possède. Il a la puissance totale, la grandeur absolue et l'immensité au-dessus de laquelle il n'y a point d'immensité. Tout cela nous amène encore une fois à adorer Allah tabaraka wa ta'ala d'un culte sincère. Avec ce chapitre, on voit une des manières de démontrer le droit à l'adoration pour Allah uniquement. Parmi les preuves de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration, il y a l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. فتوحيدullah tabaraka wa ta'ala في الأسماء والصفات وما اتصف به من صفات الجلالة والعظمة برهان على وجوب إفراده بالعباد. Donc les noms qu'Allah tabaraka wa ta'ala possède et les attributs par lesquels il s'est décrit dans son livre et que nous a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa grandeur, son immensité, tout cela sont des preuves qu'il est le seul à mériter entièrement l'adoration. Et cette argumentation a été utilisée dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans sourate Maryam, Rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiya. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tous ceux qui sont entre eux, adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? Du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit unique dans ses noms et ses attributs, on doit l'adorer lui, seul, sans associé. قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره أي المشركون وما قدر الله أي ما عظم الله حق قدره أي حق تعظيمه فما قدر المشركون الله حق تعظيمه ما عظموه حق تعظيمه Donc Allah nous dit, dans la traduction, ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. حيث أشركوا به في العبادة, du fait qu'ils lui ont donné des associés dans le culte et des égaux. Ils n'ont pas estimé Allah Azza wa Jal comme il devrait l'être. Sinon, ils n'auraient jamais adoré autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Celui qui connaît Allah et qui l'estime ne pourra jamais se permettre de donner le culte à autre que lui. Ne pourra jamais se permettre de donner le culte à autre que lui. فَلِضَعْفِ تَعْظِيمِهِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ أَشْرَكُ بِهِ Et dû aux imperfections qu'ils avaient dans la considération d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils se sont mis à adorer autre que lui. Ils ont cru qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala n'allait jamais leur faire miséricorde, si ce n'est en passant par des intermédiaires, des saints, des morts et des fausses divinités. وما قدر الله حق قدره ثم بين الله سبحانه وتعالى شيئا من عظمته وكبريائه ببيان ما سيحصل يوم القيامة ما يكون منه يوم القيامة Après cela الله تبارك وتعالى nous démontre un peu de son immensité, de sa grandeur et de sa toute-puissance. En nous citant, en nous informant de ce qu'il fera yawm al-qiyam, le jour de la rétribution, le jour de la résurrection, ce jour qui sera terrible. Fayaqul wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyam. Premièrement, il fera de la terre tout entière une poignée. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا أي بِجَمِيعِ طَبَقَاتِهَا بِمَا فِيهِ مِنَ الْبِحَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالْأَشْجَارِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ الْقَبْضَةُ مَا يُقْبَضُ بِالْيَدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Donc, il fera de la terre tout entière, c'est-à-dire toutes ses couches, avec ce qu'elle contient, comme mer, comme rivière, comme arbre, comme océan, et ainsi de suite. De tout cela, il fera une poignée. Comme il nous le dit dans Sourate Al-Anbiya, dans la Sourate Les Prophètes, « يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ » Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de cela dans Sourate Al-Anbiya. Pour la deuxième partie, « وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ » Et les cieux seront pliés dans sa main droite. Et le verset que j'ai cité de Sourate Al-Anbiya est en rapport avec cela. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ Et les cieux seront pliés dans sa main droite. نُؤْمِنُ بِذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ الَّذِي وَأَعْلَمُ بِنَفْسِهِ أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الْعَزِيزِ Nous croyons en cela. Une croyance ferme, sans aucun doute. Car celui qui se connaît le mieux est Allah. Et il nous a informé de cela dans le Coran. قال الله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب فيطويها الله سبحانه وتعالى على كبرها وسعتها وعظمتها لأنه أكبر وأعظم جل جلاله malgré l'étendue de la terre, l'étendue des cieux, la grandeur des cieux, Allah subhanahu wa ta'ala fera une poignée de la terre tout entière et il pliera les cieux dans sa main droite. Subhanallah. Celui qui médite sur ces grandes créatures, ces vastes créatures, arrive à la conclusion que celui qui a créé ces créatures est immense. Il est omnipotent, il a une force sans pareil. Il a une force sans pareil que personne ne peut estimer si ce n'est lui, tabaraka wa ta'ala. Personne ne peut connaître la force d'Allah, tabaraka wa ta'ala, si ce n'est lui, subhanahu wa ta'ala. Il prendra donc les cieux avec sa main droite, il pliera les cieux dans sa main droite. فَهِيَ كَلَا شَيْءٍ أَمَامَ عَظَمَتِهِ وَقُوَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ. Les cieux ne représentent rien devant la grandeur d'Allah, devant sa force et sa puissance. جَلَّ جَلَالُ. وَعَظَمَةُ الْمَخْلُوقَاتِ دَلِيلٌ عَلَى عَظَمَةِ الْخَالِقِ. Et sachez qu'il y a une règle qui dit que la grandeur des créatures est une preuve de la grandeur du Créateur. La grandeur de la créature est un signe de la grandeur du Créateur. فَنُمِرُّهَا كَمَا جَاءَتْ. هَذِي النُّصُوصُ الَّتِي تَتَعَلَّقْ بِصِفَاتِ اللَّهِ قَالَ السَّلَفُ أَمِرُّهَا كَمَا جَاءَتْ. Tous les textes qui nous citent les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, on en prend ce qui nous est cité, ce qui est apparent de la langue arabe. Voilà. Quant au comment, on le laisse à Allah tabaraka wa ta'ala. Car Allah nous a informé de ces choses-là sans nous informer du comment. Donc nous avons foi en toutes ces choses-là et nous savons qu'il y a un comment. Mais ce comment, on le laisse à celui qui le connaît, Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous savons que laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui soit semblable. C'est lui, l'audient et le clairvoyant. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit subhanahu wa ta'ala amma yushrikoun. Exempté soit Allah et bien au-dessus de tout ce qu'il lui donne comme associé. Exempté soit Allah subhanahu ايتنزه وتقدس وتعالى اي ترفع عما يشركون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est exempté et innocent de toutes les mauvaises paroles et imperfections qui ont été dites à son égard, qui ont été dites sur lui subhanahu wa ta'ala. Il est bien au-dessus de toute perfection qu'on pourrait lui accorder. Que dire alors des imperfections que les injustes lui ont attribuées. فيخبر الله سبحانه وتعالى من المشركين ما عظموا حق تعظيم حيث عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا عظم منه القادر على كل شيء والمخلوقات بالنسبة إليه صغيرة حقيرة ثم نزه نفسه عن شرك المشركين وتنقص الجاهلين. الله تبارك وتعالى dans ce verset nous informe que les associateurs ne l'ont pas estimé comme ils le méritaient du fait qu'ils lui ont associé dans le culte, du fait qu'ils ont adoré autre que lui Jalla wa Ala, alors que c'est l'immense au-dessus duquel il n'y a pas d'immensité. Et celui qui est parfaitement omnipotent et que toutes les créatures devant lui sont insignifiantes. Puis, il nous cite qu'il est exempté et pur de toute association et de manque de respect du manque de respect qu'ont fait les associateurs et les anges. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر ويقال حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. ابن مسعود radiallahu anhu a dit, un rabbin, un ulama al-yahoud, c'est-à-dire les savants chez les juifs, est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô Mohammed, nous avons trouvé, c'est-à-dire dans la Torah, dans leur livre, qu'Allah mettra les cieux sur un doigt, les terres sur un doigt, les arbres sur un doigt, l'eau et la terre sur un doigt, et le reste de la création sur un doigt. Puis il dit, je suis le roi. Puis il dira, je suis le roi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à rire au point où ses dents se sont découvertes, car il a approuvé les propos du rabbin. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité, selon la traduction, ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre tout entière une poignée. هذا الحديث يفسر الآية. Ce hadith, l'auteur le cite pour expliquer le verset. Donc Ali ibn Mas'ud رضي الله عنه قال جاء حبر الحبر والعالم كثير العلم وعلماء اليهود الحبر c'est celui qui a beaucoup de science, énormément, et on utilise ce mot pour les rabbins. فقال يا محمد إنا نجد أي في التوراة. Il est parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô Mohammed, nous trouvons, c'est-à-dire dans la Torah, qu'Allah mettra, annallah yaj'ala as-sama, yaj'alu as-samawati ala isba', qu'Allah mettra les cieux sur un doigt. Isba', ça veut dire, donc c'est le mufrad de asabi', c'est le singulier des doigts, ça veut dire un doigt. Et il y a plusieurs façons de dire ce mot, parmi ceux-là, isba', usbu', et ainsi de suite. Wal aradin ala isba', les terres sur un doigt. Wal shajar ala isba', les arbres sur un doigt. Wal thara ala isba'. La terre sur un doigt, ou bien l'eau et la terre sur un doigt, et le reste de la création sur un doigt. وسائر الخلق على إصبع أي باقيهم. فيقول أنا الملك. Puis il dira, donc Allah, je suis le roi. فضحك. Donc lorsqu'il dit, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dira Ana al-Malik, هذه الجملة اسمية وهي معرفة الطرفين. Cette phrase, c'est une phrase nominale. Et les deux parties de la phrase sont, les deux mots de la phrase sont définis. Les deux parties de la phrase sont définies. Et c'est une figure de style dans l'angara qui nous informe de l'exclusivité dans ce qui est cité ici. C'est une figure de style qui nous informe de l'exclusivité dans ce qui est cité ici. C'est-à-dire qu'Allah est l'unique roi, le seul véritable roi. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, il s'est mis à rire. Il s'est mis à rire au point où ses dents se sont découvertes. Al-Nawadi, il y a l'Adras, c'est-à-dire les molaires. Et d'autres ont dit d'autres paroles. Al-Nawadi, c'est les molaires. Donc les dents les plus reculées. Les dents les plus reculées. D'autres parmi les savants de la langue arabe ont dit d'autres œuvres. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا وتصديقا لقول الحبر. Pourquoi est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a ri? Pour acquiescer de ce qu'a dit le rabbin. Il s'est réjoui que des gens qui ne sont pas entrés dans l'islam viennent avec une vérité exprimée par l'islam et le Coran et la Sunna. Non. Car le musulman se réjouit de la vérité. Le musulman se réjouit lorsqu'il entend la vérité. Et on ne définit pas la vérité selon la personne qui l'a dit, mais selon la conformité de l'information avec ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna. Ou bien le waqi'a, ou bien la réalité des faits. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ min surur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui de cela, a acquiescé les dires du rabbin, et son rire a pour but ici d'affirmer, de confirmer les propos. Allah azza wa jal dit an al malik, dira an al malik, je suis le roi. Wal mulku lillah min qabl wa min ba'd. La royauté tout entière appartient à Allah avant même ce jour-là, يوم القيامة. إلا أن في هذا اليوم تكون الملك ظاهرة أو ظاهرا لله وحده. أي أظهر ما يكون ذلك يوم القيامة. الله عز وجل de tout temps est le seul roi. Mais ce jour-là, ça apparaîtra encore plus. Il n'y a pas un jour où l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la royauté sera plus exposée et plus claire pour toutes les créatures que ce jour-là. Car ce jour-là, toute personne perdra sa royauté, sa possession et tout ce qu'il avait. Et il sera ressuscité, et les gens seront ressuscités. Hufata, urata, ghurla, bohma, chacun sera ressuscité, nu, pieds nus, non circoncis et sans posséder quoi que ce soit. Subhanallah. Tout le monde aura perdu ce qu'il avait fait. Dunya, il ne sera qu'avec ses actions. Il ne sera qu'avec ses actions. Donc la royauté d'Allah tabaraka wa ta'ala apparaîtra encore plus ce jour-là. Du moins son unicité dans la royauté. Comme Allah nous dit dans le Coran, dans Surat Ghafir, لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. À qui appartient la royauté aujourd'hui, c'est-à-dire يوم القيامة? À qui appartient la royauté يوم القيامة? لله الواحد القهار. À Allah, l'unique, le dominateur suprême. À Allah, l'unique, le dominateur suprême. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين وفي قراءة مالك يوم الدين. Et Allah سبحانه وتعالى a mis dans سورة الفاتحة, donc sur ma traduction, le roi et maître du jour de la rétribution. Car ce jour-là, tout le monde viendra sans rien. Tout le monde viendra sans rien. Allah subhanahu wa ta'ala questionnera les gens et personne ne répondra. Il répondra lui-même, tabaraka wa ta'ala, liman il mulku liyum. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Et il répondra lui-même, tabaraka wa ta'ala, lillah al-wahid al-qahhar. À Allah, l'unique, le dominateur suprême. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset dans lequel Allah azza wa jalla nous dit « وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ » et ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. « وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » الآيه. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre tout entière une poignée. وكيفية ذلك كسائر صفات الله تبارك وتعالى موكولة إليه العليم. Et le comment de tout cela, comme pour le reste de ses attributs, subhanahu wa ta'ala, on l'ignore. On l'ignore et on fait revenir tout ça à la science d'Allah تبارك وتعالى. Puis l'auteur رحمه الله تعالى nous dit وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. Dans une version de Muslim رحمه الله, Allah mettra les montagnes et les arbres sur un doigt. Puis il dira, puis il les soulèvera en disant « Je suis le roi, je suis Allah ». Mieux qu'il les soulèvera, Allahu A'lam, il les secoua. Il les... يعني يحركها. Il les secouera. Secouera. Mieux qu'il les soulèvera, il les bougera. En disant, je suis le roi, je suis Allah. Dans une autre version d'Al-Bukhari, Allah mettra les cieux sur un doigt et l'eau et la terre sur un doigt. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tous ces textes viennent expliquer et Naam expliquer le verset. هز يهزهن هزا حقيقيا ليبين للعباد في ذلك الموقف العظيم عظمته وقدرته. الله تبارك وتعالى fera tout ça. C'est une réalité à laquelle nous devons croire. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, afin, donc il bougera les créatures ainsi malgré leur grandeur, afin de montrer à l'ensemble de ces créatures, dans cette situation terrible, que c'est lui l'immense, et qu'il a la force parfaite, et la capacité totale, qu'il est omnipotent. Puis l'auteur nous cite un autre hadith. وَلِمُسْلِمِنْ عَنِ ابْنِ عَمَرَ مَرْفُوعًا يَقْوِ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرَاضِينَ السَّبْعَ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ. Assunallahu wa ni'mal wakil. Muslim rapporte d'après Ibn Umar et cette parole remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah pliera les cieux le jour de la résurrection, puis il les prendra dans sa main droite et il dira, je suis le roi, où sont les arrogants, où sont les orgueilleux? Puis il pliera les sept terres et il les prendra dans sa main gauche. Et il dira, je suis le roi, où sont les arrogants, où sont les orgueilleux? سؤال الله تبارك وتعالى في هذا الموقف للتحدي ولإظهار عظمته الله سبحانه وتعالى fera cela pour montrer sa toute puissance, sa grandeur sur ses créatures. Il appellera ceux qui, fit dunya dans ce bas monde, pensaient avoir une part de grandeur, pensaient posséder quelque chose ou pouvoir décider de quelque chose. C'est tel un défi du maître des mondes, de l'immense, lancé à celui qui ne pèse pas plus qu'une petite fourmi noire. Et qui pourra venir ce jour-là et dire moi? Qui pourra répondre à Allah tabaraka wa ta'ala? L'immense, le maître absolu tabaraka wa ta'ala. Fayaqulu Allah ana al-malik. Yaqulu hadha thana'an ala nafsi wa tanbihan ala 'azamatihi al-kamila. Allah subhanahu wa ta'ala dira, après avoir plié les cieux dans sa main droite, je suis le roi. Les deux parties de la phrase sont déterminées, donc je suis le seul roi. Il n'y a pas d'autre roi en dehors de moi. Aïn al-jabbaroun, où sont les arrogants? Aïn al-mutakabbiroun, où sont les orgueilleux? Allah subhanahu wa ta'ala fait ses propres éloges en nous montrant que c'est le seul maître, le seul roi pour attirer notre attention sur sa grandeur. Pour attirer notre attention, nous les serviteurs faibles, nous qui nous permettons de lui désobéir de jour comme de nuit, nous qui sommes injustes envers nos propres personnes, Allah Azza wa Jal se décrit à nous pour qu'on revienne à la droiture, pour que l'associateur délaisse le shirk, pour que le kafir délaisse le kufr, pour que le fasiq, le pervers délaisse le fisq, pour que le asi délaisse le ma'asiyah, pour que Al-Ghafil, celui qui est insouciant et distrait, délaisse cela. Pour qu'il sorte de cette insouciance et revienne à l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. An al-Malik, ayn al-Jabbaroun, ayn al-Mutakabbiroun. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe ici qu'il est le seul à avoir la royauté absolue, complète, et personne ne peut lui disputer quoi que ce soit. Personne ne peut disputer Allah tabaraka wa ta'ala, ne serait-ce qu'un atome. ثم يطوي الأراضين السبع. Puis il pliera les sept terres. هذا نص في عدد الأراضي. Et ceci est un texte explicite nous informant du nombre des terres. Il y a sept terres, tout comme il y a sept cieux ou ciel. Comment est-ce qu'on dit? Cieux. Oui. وجاء التنبيه لهذا في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الآية et cela nous a été signalé dans le Coran. Allah dit: Allah est celui qui a créé sept cieux, et pareillement pour les terres. Pareillement pour les terres. Lorsque tu dis qu'une chose est pareille, elle est soit pareille dans Al-Kayfiyya, dans le comment, et on sait que le comment de la terre n'est pas semblable aux cieux. Ça, donc il reste quoi? Le comment dans Al-Adad, le nombre, comme a expliqué Ibn Al-Athaymi. Donc dans ce verset, il y a la preuve qu'il y a sept terres. Mais ce n'est pas cité textuellement, si on peut dire ainsi. Dans ce hadith, on nous le cite. ثم يأخذهن بالشمال ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. Puis il pliera les sept terres et les prendra dans sa main gauche et il dira: je suis le roi, où sont les arrogants, où sont les orgueilleux. كلمه شمال اختلف فيها الرواة. Le mot الشمال, la main gauche, est sujet à divergence. Car les rapporteurs du hadith ont divergé sur ce terme-là. La majorité n'ont pas dit al-shimal, n'ont pas cité la main gauche. La majorité n'ont pas cité la main gauche. Premièrement, la shak anna lillahi yaday. Première chose à savoir, c'est qu'il n'y a aucun doute qu'Allah a deux mains. Subhanahu wa ta'ala. Comme cela a été cité en Coran, comme cela a été cité en Sunna. Wa anna ihdahuma yamin. Et la deuxième chose, aucun doute qu'une de ces deux mains est décrite comme étant une main droite. Naam. Une de ces deux mains, on dit d'elle, elle yamin, que c'est une main droite. Lakin, hal yasih أن نصف الله تبارك وتعالى بأن إحدى يديه بأنها شمال. Maintenant la question est: est-ce qu'il nous est permis de décrire la deuxième main d'Allah تبارك وتعالى comme étant une main gauche? Voici la divergence qu'il y a entre les savants, qui découle de la divergence sur l'authenticité de ce mot. Le hadith est authentique, mais ce mot-là, du fait que les rapporteurs du hadith ne l'ont pas tous cité ainsi, a donné lieu à une divergence entre les ulama. Parmi ceux qui ont affirmé ce mot, il y a par exemple Uthman ibn Sa'id, qui est plus connu sous le nom de l'imam Ad-Darimi, et d'autres, comme l'auteur Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. L'auteur, comme on le verra dans les Masa'il, il a affirmé lui aussi la main gauche pour Allah tabaraka wa ta'ala. Wa min ahli al-'ilm man dha'afaha. Et parmi les gens de science, il y en a qui ont dit que ce mot-là était shad, yani marginal, comme ils disent. Donc ils ont rejeté ce mot-là et ont dit qu'il était faible, si vous voulez. Que ce mot-là n'était pas authentique. Parmi les grands savants, il y a Ibn Khuzaymah, rahimahullah ta'ala wa rahimahum jami'an, fi kitabihi kitab al-tawhid. Donc certains savants disent que ce mot-là était faible. Pourquoi? Parce que ce hadith a été cité de trois chaînes. Min thalathati turuq, an ibn Omar. Toutes remontant à Ibn Omar radiallahu anhu. Si ce n'est que ce mot-là, al-shimal, la main gauche, n'a été cité que par l'une d'entre elles. N'a été cité que par l'une d'entre elles. Et les autres n'ont pas dit ce mot-là. Donc ils ont dit que c'était une erreur du rapporteur. C'était une erreur du rapporteur. ففرد به عن ماذا ابن عمر؟ حمزة عن سالم، وخالفه في ذلك نافع وعبيد الله ابن مقسم، لم يقولا الشمال بل بيده الأخرى. Donc, il y a une personne parmi les rapporteurs du hadith qui a dit la main gauche. Mais les autres n'ont pas dit cela. Ils ont dit avec l'autre main. Ils ont dit avec l'autre main. Donc les savants ont dit que on ne retient pas ce terme-là, al-shimal, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et renforce cet avis des ahadiths, d'autres ahadiths. Parmi ceux-là, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit qu'il tayadayhi yamin, ses deux mains sont droites. Na'am. Wa laysa kamithli shay, il n'a rien qui lui soit semblable. Quoi qu'il en soit, il y a une divergence chez les ulama. Si on prend l'avis que ce mot-là est authentique, il n'y aura pas de contradiction entre le fait de dire que ses deux mains sont droites et qu'il a une main gauche. Allah Azza wa Jal, rien lui est semblable. Et ceux qui ont dit cet avis ont dit que le prophète sallam a ajouté cela, qu'il tayadayhi yamin, il a deux mains droites, car ce qui est connu chez les gens, c'est que la main gauche est moins forte, moins habile, et ainsi de suite. Donc il a voulu rejeter cette idée que pourrait avoir la personne en entendant ce hadith, lorsqu'il a dit qu'il a deux mains droites. C'est pour dire que ses deux mains sont parfaites, et qu'on ne peut dire que l'une des deux est moins forte et moins ceci ou moins cela. Les deux mains d'Allah Azza wa Jal sont parfaites, et on dit sur les attributs d'Allah ce qu'on dit sur lui-même, subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Donc ce hadith nous montre quoi? La grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car la grandeur de la créature est un signe de la grandeur du Créateur. Et toute personne sait la grandeur et la grosseur de la terre et l'élévation et la largeur des cieux. Donc, de savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala pliera les cieux le jour de la résurrection. Lui, il les prendra dans sa main droite et il dira « Je suis le roi, où sont les arrogants ?» Et dans son autre main, les sept terres, et dira « Je suis le roi, où sont les arrogants, où sont les orgueilleux ?» Cela informe le serviteur que celui qu'il adore, celui qu'il l'a créé, c'est un seigneur immense, tabaraka wa ta'ala. C'est un Seigneur immense et tout-puissant. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit وَرُوِيَ عَلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالْ مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرَضُونَ السَّبْعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ. On rapporte d'Ibn Abbas radiallahu anhuma qu'il a dit, les sept cieux et les sept terres ne sont dans la main du tout miséricordieux que comme une graine dans la main de l'un d'entre eux. Que comme une graine de s'énevé. Illa kahardalatin fiyadi ahadikum. Akhrajahu Ibn Jarir. الخردلة حبة نبات صغير. الخردلة هي غرين de petites plantes. يضرب بها المثل في الصغار والقلة. Le fait de dire إلا كخردلة, ce mot-là est utilisé chez les Arabes pour citer que la chose est insignifiante, soit dans le fait qu'elle est très petite, soit très légère. Voilà, c'est une expression pour dire que la chose ne pèse rien ou bien est toute petite. C'est ce qu'il faudra retenir ici. Ceci nous montre quoi? Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala devant sa grandeur, les sept cieux et les sept terres ne sont dans sa main que comme une petite graine. Que comme une petite graine. Ce qu'on veut te dire ici, c'est quoi? C'est qu'Allah Azza wa Jal est azim. C'est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est azim, est immense. فكل هذه النصوص تبين لك عفوا عظمة الله وقوته وجلاله. Tous ces textes montrent l'immensité d'Allah, sa suprématie, sa grandeur. وما يستفاد من الآية والأحاديث بيان عظمة الله تبارك وتعالى وصغر المخلوقات بالنسبة إليه. Ce que nous pouvons tirer de ce qui est passé, verset, hadith, athar, la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'insignifiance de ses créatures devant Allah tabaraka wa ta'ala. On tire également que celui qui a donné des égaux à Allah et a adoré qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne l'a pas estimé comme il devrait l'être. في إثبات اليدين لله عز وجل. On tire de ces textes qu'Allah tabaraka wa ta'ala a deux mains. إثبات الأصابع لله تبارك وتعالى. On tire de ces textes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des doigts. في إثبات اليمين. On tire de ces textes que parmi les deux mains d'Allah tabaraka wa ta'ala, une est décrite comme étant la main droite. نستفيد تفرد الله تبارك وتعالى بالملك وزوال ملك غيره. On tire de ces textes qu'Allah تبارك وتعالى est le seul détenteur de la royauté et que la royauté lui revient de tout temps de manière absolue et que toute personne perdra sa royauté tôt ou tard et tout ce qu'il possède. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. Ibn Jarir, rahimahullah, a dit, Younous m'a dit que Wahb nous a rapporté qu'Ibn Zayd a dit, mon père m'a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les sept cieux par rapport au Kursi est comme sept dirhams jetés dans un bouclier. Les sept cieux par rapport au Kursi sont comme sept dirhams jetés dans un bouclier. Fil kursi ay binisbati ilayhi. Ay binisbati ilayhi. Al kursi mawdi'u qadamay Allah subhanahu wa ta'ala. La définition de al kursi, comme l'a expliqué Ibn Abbas et d'autres, c'est l'endroit où ce sur quoi Allah met ses pieds. Ce qu'on traduirait communément par le repose-pied. Wallah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin. Et Allah subhanahu wa ta'ala se passe largement des mondes. Il n'est nullement dans le besoin du kursi, mais c'est plutôt le kursi qui est dépendant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wadah. Donc elle court aussi, comme l'ont expliqué les pieux prédécesseurs, et ça n'est pas une chose dans laquelle on peut faire entrer la raison. Naam. Elle court aussi, mawdi'u qadamayillah. C'est ce sur quoi, ou bien, naam, l'endroit où Allah azza wa jal à ses pieds. En français, ce qu'on appelle repose-pied. Mais Allah Azza wa Jal n'est pas dans le besoin de cela. Illa kadarahima, jam'u dirham wa huwa naqd min al-fidda. Sab'atin al-qiyat fi turs. الترس شيء من الجلد أو الخشب يحمل عند القتال لاتقاء السيف أو الرمح ونحوهما. الترس c'est ce qu'on utilise dans la guerre pour se préserver des coups d'épée ou des flèches ou autre. Donc on peut traduire par le bouclier. Une protection qu'on met dans la guerre à la kulliha, lors du combat. C'est aussi traduit dans la langue arabe par al-qar, al-qa'u, al-mustadir, min al-ard. Un endroit vaste ou bien rond sur la terre. Donc ici, dans ce hadith, on nous compare les sept cieux au Kursi. On compare les sept cieux au Kursi. On sait tous, même sans avoir les détails, certains détails vous viendront dans quelques minutes, Inch'Allah Ta'ala, que les cieux font partie des plus grandes créatures d'Allah Tabarak. Font partie des plus grandes créatures d'Allah Tabarak. Ainsi, on a utilisé les cieux en comparaison avec El Kursi. Car ceci parlera à tout le monde. Ceci parlera à tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ma samawatu sab'a fil kursi, ay bi nisbati ilay, illa kadarahi ma sab'atin ulqiyat fi tursi. » Donc, les sept cieux par rapport au Kursi sont comme sept dirhams jetés dans un bouclier. Allez, ça ne représente rien. Ça ne représente rien. Le bouclier est bien plus grand. Ou bien l'endroit de la terre est bien plus grand que si tu prenais sept dirhams, sept pièces d'argent, et que tu poserais le tout sur un endroit de la terre. Ça représenterait quoi par rapport à cet endroit? Ou dans un bouclier, ça représenterait quoi? Rien du tout. Ça, c'est une introduction à ce qui va venir. C'est à titre d'introduction. Ici, on t'emmène à la grandeur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en commençant à te parler de la grandeur de certaines créatures. Tout comme cela t'a été fait dans quel verset du Coran? Naam. Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. On t'a parlé de quoi dans Ayatul Kursi? D'El Kursi. Ensuite, plus bas, on te parle de quoi? D'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa grandeur. Naam. Donc, malgré la grandeur des cieux et la vasteté de celle-ci, elle ne représente rien en comparaison au Kursi. Elle ne représente rien, tout cela ne représente rien en comparaison au Kursi. ففي هذا الحديث بيان عظمة الله بذكر عظمة بعض مخلوقاته. Donc dans ce hadith, on nous informe, on nous signale, on attire notre attention sur la grandeur et l'immensité d'Allah tabaraka wa ta'ala en nous informant de la grandeur de certaines de ses créatures. En l'occurrence, c'est Al-Kursi. Wal-Arsh, et le Arsh, أعظم من الكرسي. Et sachez que le arsh est au-dessus, plus élevé, plus lourd et plus immense que le kursi. Non. Et ceci nous amène au hadith qui suit. وفي بعض العلم. Il y a certaines faiblesses dans ce hadith. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. أبو ذر رضي الله عنه قال: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: le kursi, le repose-pied par rapport au trône, au arsh, est comme un anneau de fer jeté sur une grande terre déserte. On vient de voir juste avant que les sept cieux comparés au kursi ne représentent rien. Ça. Et ici, que le kursi dont vous venez d'entendre la grandeur, lui-même ne représente rien devant la grandeur d'une autre créature, bien plus immense qui est Al-Arsh. Al-Arsh, le trône d'Allah Tawaraka wa Ta'ala. Tel un anneau jeté dans un désert. L'anneau représenterait quoi ? Al-Kursi et le désert, Al-Arsh. Ça ne représente rien. Ça ne représente rien. Et ceci a été cité dans d'autres hadiths. Ceci a été cité dans d'autres hadiths. Encore une fois ici, on nous emmène à quelle conclusion ? Où est-ce qu'on veut nous amener ? Azamatullah. L'immensité d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'auteur nous emmène tadarrujan dans ce chapitre à la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout comme il nous a emmené tadarrujan dans ce livre au fait que seul Allah azza wa jalla mérite d'être adoré. Et parmi les causes, le fait qu'il ait cette immensité. Le fait qu'il ait cette immensité. Tabaraka wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Jalla jalala. Subhanallah al-Azim. Al-Arsh a'la, a'za wa athqal al-makhluqat. Al-Arsh, comme le dit al-Sheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, c'est la créature la plus élevée, la plus lourde et la plus immense. Et souvent les savants disent saqf al-makhluqat, le toit de la création. والله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. Et Allah عز وجل s'est élevé au-dessus de son trône. الرحمن على العرش استوى. Comme Allah عز وجل nous le dit, cette fois dans le Coran, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Ce trône, personne ne connaît son immensité si ce n'est celui qui l'a créé. Si ce n'est celui qui l'a créé, Allah tabaraka wa ta'ala. Et le kursi en comparaison avec le trône est insignifiant et minime. Et Allah Azza wa Jal est plus immense que toutes ces créatures. Donc en nous parlant de l'immensité du Arsh, on nous indique, on attire notre attention sur l'immensité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Munasabatu dhikri al-hadithayn fil bab. هذان الحديثان يدلان على عظمة الله تبارك وتعالى وكمال قدرته وعظمته وقوة سلطانه. Ces textes nous montrent l'immensité d'Allah تبارك وتعالى, la perfection de son omnipotence et de sa science, de son omnipotence et de sa force et de sa de sa domination suprême. لأن عظمة المخلوق عظمة المخلوقات دليل على عظمة الخالق وقوته وعلمه. Car la grandeur et l'immensité de la créature est un signe, est une preuve de l'immensité du Créateur, de sa puissance et de sa science. ما يستفاد من الحديثين, ce que nous pouvons tirer de ces hadiths. أن الكرسي أكبر من السماوات. On tire de cela que le kursi, موضع القدمين, et le repose-pied est plus grand que les cieux. وأن العرش أكبر من الكرسي, et que le trône est plus immense que tout cela. Azamatullah wa kamal qudrati. On tire l'immensité d'Allah et la perfection de sa force. نستفيد من هذا الحديث من هذين الحديثين أن العرش غير الكرسي وفي رد على من أول العرش بالعلم أو الكرسي بالملك أو العلم donc on tire de ces hadiths que de ces hadiths que le coursi n'est pas le arsh et que le arsh n'est pas le coursi comme certains ont dit. D'accord? On tire également une réfutation, on tire de cela une réfutation quant à ceux ou envers ceux qui ont dit que le sens du coursi était la royauté ou bien la science. Non, cela n'est pas l'explication du Kursi, cette explication contredit l'explication des pieux prédécesseurs. Et si mes souvenirs sont bons, dans la traduction du Coran en français, dans Ayat al-Kursi, Mada, il y a une chose à redire. Prends le mushaf et regarde la traduction du verset. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن عبد الله Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « Entre le premier ciel et le suivant, il y a 500 ans. » Sami'atum ? Entre le premier ciel, c'est-à-dire « Sama et Dunya » et le second, il y a 500 ans. Subhanallah. Al-Khaliq. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « Entre le premier ciel et le suivant, il y a 500 ans. » Et entre chaque ciel, 500 ans. Entre le septième ciel et le coursi, le repose-pied, il y a 500 ans. Entre le coursi, le repose-pied et l'eau, 500 ans. Le arche est au-dessus de l'eau. Et Allah est au-dessus du arche, du trône. Et aucune de vos actions ne lui échappe. Apporté par Ibn Mahdi, d'après Hamad ibn Salama, d'après Asim, d'après Zir, d'après Abdullah. Ibn Mas'ud. ابن مسعود رضي الله عنه تكلم بهذا فهو موقوف إليه إلا أن له حكم الرفع إلا أن له حكم الرفع لأن المذكور لا مجال للرأي فيه ولم يكن ابن مسعود رضي الله عنه ممن كان يأخذ من الإسرائيليات ويحدث بها لم يعرف بذلك. Ici, c'est la parole d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Mais elle a le jugement d'un hadith qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car comme c'est connu dans la science du hadith, lorsque le compagnon cite une parole qu'il n'aurait pas pu trouver avec sa raison, suite à un effort de réflexion, cette parole a le jugement d'avoir été cité et rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a cité. Nous disons qu'il a forcément entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de quelqu'un qui l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à condition que ce compagnon ne fasse pas partie de ceux qui prenaient des récits de Banu Israël et qui rapportaient cela. Et cette règle comporte plus de détails que ce que je viens de citer ici. Donc, ماذا الحديث له حكم الرفع كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى فالمسافة بين سماء الدنيا والماء 4000 years. Donc la distance qu'il y a entre le ciel de ce bas monde, le premier ciel, et l'eau est équivalente à 4000 ans. Hakada, 4000 ans. Entre le ciel, le premier et le deuxième, il y a combien? 500. Et il y a la même distance entre chaque ciel et celui qui suit. Non? Et il y a 7 ciels. Et il y a 7 cieux. Ensuite, entre ce ciel et l'eau, il y a encore 500 ans. Donc, au-dessus du septième ciel, il y a Al-Ma. Il y a de l'eau. Voilà. Au-dessus du septième ciel, il y a de l'eau. Et l'espace qu'il y a entre le septième ciel et le Kursi, entre le septième ciel et le Kursi, est de 500. Au-dessus du Kursi, il y a de l'eau. Naam, akala. Donc on corrige. Entre le premier ciel et le suivant, il y a 500 ans. Ensuite, entre chaque ciel et celui qui suit, 500 ans. Ensuite, entre le septième ciel et le Kursi, il y a aussi 500 ans. Après le Kursi, qu'est-ce qu'il y a? Elma, il y a de l'eau. Après le Kursi, il y a de l'eau. Combien de temps il y a entre eux, El Kursi et cette eau? 500 ans. Puis le prophète, puis Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu nous dit: Wal arsh fawq al ma. Au-dessus de cette eau, il y a El Arsh. Au-dessus de cette eau, il y a El Arsh. Wallahu fawq al arsh. Et Allah est élevé au-dessus, ou Allah est au-dessus du trône. La yarfa alayhi shay'un min a'malikum. La ilaha illallah. Aucune de vos actions ne lui échappe. هذا نص صريح في إثبات علو الله تبارك وتعالى فوق جميع المخلوقات. فأعلى المخلوقات العرش والله فوقه. فهو عال على جميع المخلوقات ومستو على عرشه. Donc on voit ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala est élevé au-dessus de l'ensemble de ses créatures sans exception. La créature la plus haute est l'arsh, le trône. Et Allah azza wa jalla est au-dessus du arsh, comme il le dit dans ce verset et comme cela est dans ce comme cela nous est cité dans ce hadith et comme cela nous est cité dans le Coran. فَفِي رَدُّ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ الْمُنْكِرِينَ لِعُلُوِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عُلُوِ الذَّاتِ. Il y a ici une réfutation aux gens de l'innovation qui ont rejeté le fait qu'Allah Azza wa Jal soit élevé de par son essence. أَثْبَتُ عُلُوِ الصِّفَاتِ. Ils ont dit qu'Allah est élevé dans ses attributs. Les attributs parfaits, oui. Mais ils n'ont pas affirmé qu'Allah est élevé de par son essence, lui-même, son être, tabaraka wa ta'ala. Contrairement à ce qu'Allah, ils ont contredit Allah dans ce qu'ils nous citent dans le Coran, contredit la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou al-fitra. Donc, nous affirmons pour Allah subhanahu wa ta'ala, ulou wa dhat, nous disons qu'Allah azza wa jalla est au-dessus des créatures. Il est en haut, tabaraka wa ta'ala. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ إِلَيَّ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ وآيات كثيرة جدا في هذا المعنى تثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى هو العليم وهو فوق عباده وهو مستوى على العرش ومع ذلك هو العليم الخبير يعلم جميع أفعالنا et malgré tout cela malgré son élévation absolue rien de nos actions lui échappe. Il a aussi l'élévation dans ses attributs. C'est-à-dire qu'il a des attributs parfaits, complets, exemptés de toute imperfection. قال الله للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي نقص ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل. Dans Sourate An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc la traduction, ceux qui n'ont pas foi en l'au-delà ont le descriptif le plus vil, le plus mauvais. Donc les attributs les plus rabaissants et les plus mauvais. Et à Allah appartient les meilleurs attributs, c'est-à-dire les meilleurs descriptifs. Wa huwa al-aziz al-hakim, et c'est lui le puissant et le sage. À la fin du hadith, Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit « L'aqfa alayhi shay'un min amalikum » Aucune de vos actions ne lui échappe. A'mal, al-a'mal, ay jami'u al-a'mal. Les actions, c'est-à-dire toutes les actions. A'mal al-qulub, a'mal al-jawari, al-mar'i wal-masmou'a. Toutes les actions, c'est-à-dire les actions du cœur, que ce soit l'amour, la crainte, l'espoir, l'hypocrisie, la haine, ainsi de suite, la jalousie, que ce soit les actions des membres, la prière, les péchés et autres, que ce soit les actions visibles, que ce soit les actions audibles, donc les choses, on en témoigne par la vue ou par lui, tout cela ne saurait se soustraire à la science d'Allah tabaraka wa ta'ala, ni son nous. Et ici on nous cite cela afin de nous montrer que bien qu'Allah azza wa jal soit autant élevé et seul connaît son élévation absolue, lui-même, seul Allah Azza wa Jalla connaît cette élévation et son comment. Bien qu'il soit élevé ainsi, rien de nos actions, de nos paroles et autres ne lui échappe. فهو المطلع على أفعال عباده. C'est celui qui voit, qui témoigne, qui surveille et observe parfaitement les actions de serviteurs et entend parfaitement leur parole. أخرجه الدائمي في ردع الجهمية وابن خزيمة في التوحيد والطبراني في الكبير والبيهقي في الأسماء والصفات وصححه ابن القيم رحمهم الله جميعا في اجتماع الجيوش الإسلامية والذهبي في العلوم. Puis, le hadith de Al-Abbas. Ou avant cela, وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ عَنْ الْمَسْعُودِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالْ وَلَهُ طُرُقْ. Al-Mas'udi a rapporté les mêmes propos d'après Asim, d'après Abu Wa'il, d'après Abdullah. C'est ce qu'a dit Al-Hafidh Al-Zahabi. Il a dit, ses propos ont aussi été rapportés selon d'autres voies. وَعَنِ الْعَبَّاسِ إِبْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سماء خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجاه أبو داود وغيره العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أدي Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Saviez-vous ou savez-vous quelle est la distance entre le ciel et la terre ? Savez-vous quelle est la distance ? Quelle distance y a-t-il entre le ciel et la terre ?» Nous avons répondu « Allah et son messager sont plus sages. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la distance qui les sépare est de 500 ans de cheminement. Donc ça c'est entre le ciel et la terre. Et entre chaque ciel et le suivant, il y a 500 ans. L'épaisseur de chaque ciel est de 500 ans de cheminement. Donc la distance qu'il y a d'un ciel au suivant est de 500 ans. Mais entre deux ciels, il y a aussi une épaisseur de 500 ans. D'accord ? Donc, tout à l'heure nous avons dit que l'espace en tout était de combien ? 4000. Ainsi ça ferait 7000 ou 7500. Si ce terme est authentique. Vous recalculerez. Moi, je n'ai pas calculé, j'ai pris directement d'Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala. Donc, si mes souvenirs sont bons, c'est ainsi, et vous recalculez. L'épaisseur de chaque ciel est de 500 ans de cheminement. Entre le septième ciel et l'arche, le trône, se trouve une mer. La distance entre sa surface et son fond est équivalent à la distance qui sépare le ciel de la terre, c'est-à-dire 500 ans. Wallah subhanahu wa ta'ala fawqa dhalik, et Allah est au-dessus de tout cela. Donc au-dessus de quoi finalement ? Du arche. Et aucune des actions du fils de Adam ne lui échappe, rapporté par Abu Daoud et d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait devancer cette grande information par une question. Al-istifham yurad bi amran. At-tashwiq lima sayulkar wa at-tanbih ila ma sayulqihi ilayhi. Il a fait cela pour deux sagesses. La première, pour qu'ils espèrent grandement avoir cette information. Et la deuxième, pour attirer leur attention sur la science qu'il va leur transmettre. Ils ont répondu, Allah et son messager sont plus savants. Ils ont dit, Allah et son message. Alors que nous avons vu dans le hadith qu'il ne faut pas dire « et » dans « Masha'Allah wa shi'it » mais plutôt « Masha'Allah thumma shi'it ». Quelle est la différence ? C'est que dans les choses qui ont un rapport avec la législation, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire « et ». Car la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la science d'Allah. Et c'est Allah qui lui enseigne. Mais dans les choses qui ont rapport avec les choses universelles, où le décret et le destin et le futur, tu ne peux pas dire « et ». Tu ne peux pas dire « et ». Tu ne peux pas dire qu'Allah azza wa jalla, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait. D'accord ? Et si c'est une chose qui a un rapport avec la volonté d'Allah est suprême et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam suit, donc tu diras thumma. Donc les compagnons ont répondu, Allah wa Rasulu a'lam, Allah et son messager sont plus savants. Ja al-'atfu bil waw lanna 'ilma Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min 'ilmillah. Fa huwa alladhi 'allamahu bima la yudrikuhu al-bashar. Laysa ka qawli Allah, laysa ka qawli ar-rajul ma sha'a Allah wa shi'at. Amma hadha fi bab al-qadar wal mashi'ah. La budda min al-'atf bi thumma. Fa farqun bayna al-umuri al-kawniyyah wa ash-shar'iyyah. أما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول الله أعلم. Donc après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم nous disons seulement Allah est plus savant. الله أعلم. Donc ici le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit que l'espace qu'il y a entre le ciel et la terre est de 500. Entre chaque ciel et le suivant, il y a aussi 500. L'épaisseur de chaque ciel est de 500 ans de cheminement. Entre le septième ciel et le arche, le trône, il y a une mer. Il y a une mer. Et la distance entre la surface de son fond est équivalente à la distance qui sépare le ciel et la terre, c'est-à-dire 500 ans. Et Allah est au-dessus de tout cela. Allah est au-dessus de tout cela. Et aucune des actions du fils de Adam ne lui échappe. Donc Allah tabaraka wa ta'ala ahata bi kulli shay'in ilma, embrassé toute chose de sa science. Huwa al-'ali al-'azim, al-kabir al-muta'al, wa huwa al-a'la wal-akbar. Allah c'est le plus haut, c'est le plus grand, c'est l'immense, c'est celui qui est au-dessus de l'ensemble de ses créatures. Et avec tout cela, aucune de nos actions ne lui est cachée. Rawahu Abu Daoud wa ghayruhu, Tirmidhi ibn Majah wa Ahmad. Tous sont rapportés sur hadith. Et ça englobe les actions du cœur, les actions des membres, visibles et audibles. فإذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء وأنه بكل شيء عليم وأنه أكبر والعظيم فهذا يبين لنا عظمته وأنه يجب الحذر من مخالفة أمره والوقوع في معصيته. Après avoir su qu'Allah Azza wa Jal était l'immense, le plus haut, qu'il était élevé au-dessus de l'ensemble de ses créatures et qu'il savait tout de nous et qu'aucune de nos actions ne lui est cachée, ce qu'il nous incombe, c'est de l'adorer seul d'un culte sincère, de s'éloigner de sa désobéissance, de rester ferme sur sa religion et de prendre garde à sa menace. Et le sens de ce hadith est proche du hadith passé. Wa hadha al-hadith ikhtasarahu al-mu'allif rahimahullah ta'ala fa innahu atwal min hadha fi 'inda Abi Dawud wa huwa ma'ruf bi hadith al-aw'al. واختلف أهل العلم في صحته. Ce hadith ici a été cité par l'auteur, mais pas en entier. Dans le recueil d'Imam Abu Daoud, il est plus long. Ce hadith est connu sous l'appellation de hadith al-aw'al. On le surnomme hadith al-aw'al. Et sachez que les savants ont divergé quant à son authenticité. مناسبة الحديث للباب بيان عظمة الله وقدرته ووجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وذل له والخضوع له وإذعان له. L'auteur a cité ce hadith pour nous montrer l'immensité d'Allah Azza wa Jal, son pouvoir absolu sur ses créatures, l'obligation de l'unifier d'un culte sincère. Ce qu'on tire de ce hadith, bayanu azamatullah, bayanu azamatillah, Bibayani azamati ba'di makhluqati. On tire de ce hadith la démonstration de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, en nous citant, en nous informant de la grandeur et de l'immensité de certaines de ses créatures. Car la grandeur de la créature est un signe de la grandeur du Créateur. إثبات علو الله على خلقه بذاته وإثبات علم الله المحيط بكل شيء. On tire de ces hadiths l'affirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de ses créatures. Il n'est pas partout et il n'est pas nulle part. Il est en haut, il est au-dessus du arsh, au-dessus de toutes ses créatures, subhanahu wa ta'ala, au-dessus de la création. On affirme la science parfaite d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il sait tout et connaît tout. مشروعية بيان هذه الحقائق العظيمة للناس ليعرفوا عظمة الله وقدرته وعلمه. On voit de cela qu'il nous est légiféré d'exposer cette grande science aux gens afin qu'ils aient connaissance de la grandeur d'Allah, de son immensité et de sa toute-puissance, de sa science parfaite. التحذير من مخالفة الله عز وجل. La mise en garde contre la désobéissance d'Allah تبارك وتعالى. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي به تتم الصالحات. C'est l'heure de la prière et après la salat, je ferai la conclusion inshallah ta'ala. الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي يسر لنا في هذا العام دراسة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ندعو لهذا الإمام المصلح نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمه بجنته بالفردوس الأعلى من الجنة كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكرم من علمنا خيرا ودلنا إليه بفضل الله تبارك وتعالى أسي جامك الله تبارك وتعالى en faveur de toute personne qui m'a enseigné ou qui m'a été profitable quant à la guidée qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé. Car le fait d'étudier Kitab al-Tawhid du début à la fin et un grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à son serviteur. Car comme nous le disions au début de l'étude de ce livre, c'est le meilleur livre qui a été écrit par une personne dans ce sujet, dans Tawhid, Al-Uluhiyya. Wa natawassa bi taqwallahi tabaraka wa ta'ala. Et on se recommande mutuellement la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَتَوَاصَ بِالِجْتِهَادِ فِي طَالِبِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الشَّرْعِي. On s'enjoint mutuellement le fait de redoubler d'efforts dans la demande de la science, dans la recherche de la science, dans l'apprentissage de la langue arabe, du Coran, du Tawhid et de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. ثُمَّ الْعَمَلِ. La mise en pratique. فَنَحْنُ أَهْلَ السُّنَّةِ يجب علينا أن نهتم بتعلم التوحيد وبتطبيق التوحيد وبدعوة الخلق إلى التوحيد فهذه هي طريقة الأنبياء والرسل وأصل دعوتهم et il nous faut nous qui suivons les pieux prédécesseurs accorder la plus grande importance à l'étude du tawhid. Son apprentissage, sa compréhension, sa mise en pratique et aussi appeler et inviter l'ensemble des gens à cela. Car c'est la voix des prophètes, celui qui a compris le tawhid, qui applique le tawhid, yajib alayhi an yad'u an-nas ila at-tawhid. Je dois maintenant appeler les gens au tawhid. Ceci était le chemin des prophètes et des messagers. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبد ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله dans de nombreux versets nous montre que c'est ainsi qu'il a éduqué ses prophètes et ses messagers. Et nous n'avons pas envoyé de messager sans lui révéler. Il n'y a point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Voici la voix des prophètes et des messagers. Dis, voici ma voix. J'appelle à Allah avec clairvoyance. Moi ainsi que ceux qui me suivent. Moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc celui qui fait partie des suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit immensifier cette science. L'étudier, la mettre en pratique et la propager au sein de son foyer, au sein de sa famille, de ses proches, ici, dans son pays, où qu'il soit. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَكُوتُ كُنْ مُبَارَكًا مِفْتَحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلْشَرْرِ. Soit quelqu'un de béni, quelqu'un qui apprend le bien et qui toute personne, dont toute personne profitera à être avec lui, où que tu sois. Soit une clé qui ouvre le bien, qui ferme le mal. Soit une clé qui ouvre le bien, qui ferme le mal. Ne sois pas comme il y a un an. Nous avons commencé l'étude de ce livre le 9 janvier. Naam. Ne sois pas comme il y a un an. La budna anna tawhid qad athara fik. Il faut absolument que le tawhid que tu as étudié cette année t'ait affecté. Yu'athir fi aqidatik, dans ta croyance. Yu'athir fi aqwalik, dans tes paroles. Fi akhlaqik, dans tes comportements. Fi sayrik, dans ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'athir fiik at-tawhid. Fahuwa athqalu shay fi al-mizan. C'est la chose la plus lourde sur la balance. Kayfa la yu'athir fiik? Wa hadha at-tawhid min ayna akhadnahu min al-Qur'an? Ce tawhid, on l'a pris d'où? Du Qur'an. Et Allah nous dit à propos du Coran, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions révélé ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu se fendre. Tu l'aurais vu se fendre par humiliation et crainte d'Allah. Ton cœur n'est pas plus dur que cette montagne. Ton cœur n'est pas plus dur que cette montagne. Il nous faut tous être des gens qui appellent au tawhid. Faha ahlu shirki wal bid'ah yajtahidun fi idlal al khalq wal ibad wa anta jalis waqad ta'lamta al tawhid wa la tuhaddith nafsak bi hidayat al nas ila haqq Allah. Ne vois-tu pas que les gens du faux, les gens du shirk, les gens de l'innovation, ahlul ahwa wal fisq, les gens qui suivent leur passion et les perversions, redoublent d'efforts pour égarer les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et toi, tu as appris à tawhid. Et tu ne te dis pas, moi je vais guider les gens à cette vérité qu'il y a dans le Coran et qui est l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith nafsak. Haddith nafsak bihad. Tu dois te dire en toi-même que désormais tu vas transmettre cela aux gens. Biqadri taqatik wa ma'rifatik. Dans les limites de ta capacité et de ta connaissance. Dans les limites de ta capacité et de ta connaissance. Wa a'zamu ni'matin yamunnu Allah subhanahu wa ta'ala ala ahli at-tawhid. Et le plus grand bien par lequel Allah Azza wa Jal comblera les gens du Tawhid. Ceux qui ont patienté dans l'étude du Tawhid. Qui ont prononcé Kalimatul Tawhid. Qui ont vécu sur Kalimatul Tawhid. Qui se réveillaient dans le Tawhid, se couchaient dans le Tawhid. Dans leur prière il y avait le Tawhid. Dans leur zakat, le Tawhid. As-siyam, sur le tawhid était basé. Leur comportement reposait sur le tawhid. Leur vie tout entière était agencée selon le tawhid. Haoula. Haoula ma jaza'uhum. Quelle rétribution pensez-vous qu'Allah Azza wa Jalla a préparé pour eux? Jannah. عظيمة واسعة عرضها السماء والأرض وعدة للمتقين. الله عز وجل prépare un paradis vaste comme les cieux et la terre pour ces gens, pour les gens du tawhid. وأعظم ما في الجنة وأعظم ما يكرم الله به أهل الجنة أنه يكشف الحجاب ويتجلى للخلق أو يكشف الحجاب فينظر أهل التوحيد إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. Et le plus grand bienfait, le plus grand bonheur et le plus grand délice par lequel Allah tabaraka wa ta'ala va combler les gens du tawhid dans le paradis, après les avoir installés au paradis, c'est qu'il découvrira qu'il ôtera le voile qu'il y a devant son visage et permettra aux gens du tawhid de le contempler. فنسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يكرمنا بدخول الجنة وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لأمي, اللهم اغفر لأمي, اللهم اغفر لأمي يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا غفار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيراً.